de infancia. Bueno, Yuki también. Bravo. Vanessa. Serenda. Borja. La. Eva. Y Lea. Y Marion. Monsieur Chambon. Christian Chambon. Ce soir. Et Maré. Maria Jesus. Sébastien Scavone. Bueno. Thank you. Et si le monde était transparent, comme un fluide totalement translucide, comme le vent, cet être si puissant et si invisible. Il existe une fleur immense dont les pétales sont les 5 continents. La larve qui s'en nourrit est l'égoïsme. Et si le vent mondial soufflait si fort sur la fleur, si fort que la larve s'enverrait délogée, déracée, déplacée, chassée, serait-il alors bon de respirer à plein poumon le parfum du monde? Serait-il bon alors de respirer à plein poumon le parfum du monde? Vale, gracias. Bueno, charmante soirée. C'est très joyeux quand même. Hein. C'est sexe. Sexy. Ah, on a encore une. Lost Alive. Que pasa, mi amor? You told me to take care of them. And I answer you, I will do. And I do. And I do. And I do it. Every day. And I do it again, again, again. Gracias. Bueno. Ambiance de folie toujours. Beaucoup de rythmie, oui. Fortement, si profondément, je ne vous connais pas, pas le moindre du monde. Notre cerveau fait des connexions incroyables, impensables, et je me laisse faire. Les vibrations de votre peau font vibrer ma tâche thoracique, directe relation entre deux êtres inconnus, à travers un processus construit par un tiers. Comment est-ce possible? Vais-je t'appeler mon ami? Tu n'es plus de ce monde, mais tes vibrations de voix parcourent l'air de ma maison. Distinctivement, je perçois ta respiration qui fut, qui est, qui sera. Repose en paix, cheval brillant. Si le monde était transparent, te hace perder la cabeza, es como tu otra mitad. Navegación total, una altitud de loco, algodón quemado, lino en fuego. Lo natural pierde su valor, transformación para siempre. Vuelva a nuestros orígenes, un pino abajo, una flor arriba. Elefantes marrones corren nuestro camino, los ves. Una raza entre medio como una pila de textos nunca utilizados. Una inspiración recogida por un buen padre. El miedo de expresar todo lo que uno quería transmitir. La música es Dios, ¿qué penséis? El violín toca tan rápido, la puerta abierta para siempre. Un canto tan sensible. Invitados por miles, solo piden todos protección. Entiende, escucha. Gracias. Gracias. ¿Estás pasando bien todo? Bueno, hola, vuelvo. Eso es Bafum. Bafum. Bafum. Y la dedico a Vanessa. Con mi corazón. Hola. Sí. Vamos a empezar. Thank you. Bueno. Cambiamos de registro un poco. A friend, the bird, what's the sun speed today? Are you thirsty? Is English your mother tongue? Following the track of this little bee, you probably find a friend. But why is the sun so fast today? I feel lost. Your head is surely spinning from yesterday's flight. This grass floating in the air, is that your idea? I like to waste what you have collected. Why not? It's not just to return to Earth. Quite like it. Yes, but let's keep some things together, okay? I really thank you and love you for that. Gracias. J'ai beaucoup changé aussi. J'ai beaucoup changé de truc. Thank you. Gracias. Gracias. Pues ya he venido el tiempo de chao. Espero que os haya gustado. Chao.